Dans la Bible, il est parlé d'un bouc. On l'appelle le bouc Azazel. Ce bouc devait être chassé dans le désert en apportant le péché du peuple. Et ce bouc Azazel, c'est Jésus-Christ. Je voudrais que nous chantions ce cantique juste debout, s'il vous plaît. Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Amen. Oh Jésus, Jésus, mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Vous pouvez chanter avec nous. Pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais agneau, tu devins un bouc pour le salut de mon âme. Amen. Toi qui étais élevé, tu devins le plus bas pour le salut de mon âme. Chante Jésus, oh Jésus. Lève tes mains devant Dieu. Mon bouc Azazel, pour le salut de mon âme. Quand tu vins sur la terre, tu fais chasser dans le désert mon bouc Azazel. Oh Jésus, là où tu souffres, ton agneau Azazel te guérira. Toi qui as des problèmes, en Dieu il n'y a pas de problème, il n'y a que solution. Jésus, Jésus, tu peux partir, jusqu'où tu peux aller pour accomplir ta parole dans ma vie. Tu peux déclarer le ciel en faillite pour accomplir tes promesses sur terre. Cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Mon bouca, lève tes mains devant Dieu et dis: mon bouca, Zazel, oh Jésus. Pour le salut de mon âme.